Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité aux 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, avec des invités par le studio, bah presque. Pour commencer, Étienne Juin, hein, qu'on retrouve avec toujours plaisir, puisqu'il était longtemps à la fois animateur et président de la radio. Bonjour. Bonsoir, pardon. Peu importe. Oui. Oui, cette émission est enregistrée et donc on se place bien mardi soir. Voilà. Didier Henry. Bonsoir. Hein, donc, docteur Didier Henry, qui était longtemps donc, responsable de la maternité de Remiremont, qui est au conseil d'administration d'ADEMAT, hein, la défense de l'hôpital de la maternité de l'hôpital de Remiremont. Et puis. Mon partenaire habituel, notre partenaire habituel, Jean Tisserand. Bonsoir à tous nos auditeurs. Également d'ADEMAT. Voilà, je vous rappelle que cette émission donc, est patronnée en quelque sorte par ADEMAT, avec laquelle nous avons une convention, bien sûr, pour ce magazine santé. Magazine santé qui a lieu tout le troisième mardi du mois. Je ne me trompe pas, cette fois-ci. Voilà, alors on a plusieurs sujets à aborder en même temps aujourd'hui parce que l'actualité est riche puisqu'on a eu vendredi dernier une manifestation à Remiremont pour la défense de l'hôpital de Remiremont, hein, en particulier en soutien au personnel hospitalier. Et puis en même temps, c'est un petit peu la conclusion de toute une campagne qu'ont effectué les coquelicots, hein, pendant... Plus qu'un an. Oui, ça a commencé en automne 2018. Oui, donc conclusion de cette campagne avec des conférences, parce que je pense que, bien sûr, cette défense de l'environnement, cette lutte contre les pesticides, ben, elle continue. Oui, bien évidemment. Ce n'est pas une conclusion. C'est une étape. C'est une conclusion de ce qui s'est passé, surtout en 2009, quoi. Mais pour envisager aussi l'avenir, et puis oui, comment ça va se passer exactement, Étienne ? Alors, je ne suis pas au courant de toutes les dernières informations, mais Michel Claudel nous représentait à un rassemblement qu'il y a eu à Paris pendant ce week-end, où justement il a été tous les représentants des différents collectifs coquelicots de la France se sont réunis. Samedi et dimanche, et il y a une sorte de grand-messe par le fait, et ils ont décidé de continuer de toute façon et de laisser plus d'initiatives encore aux groupes locaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de directive précise au niveau central, mais beaucoup d'initiatives aux groupes locaux. C'est ce que Michel m'a dit au téléphone hier rapidement, mais je pense qu'il en dira plus quand il fera un compte-rendu. On en saura plus dans quelques jours. Mais disons que ce n'est pas terminé. Tant qu'il y a des pesticides qui sont répandus en France, notre combat continue. J'ai lu quelque part que même on allait fabriquer de nouveaux pesticides. Est-ce la réalité ? De toute façon, il y en a qui disparaissent, il y en a mille qui reviennent. Oui, c'est vrai. J'exagère un peu, mais c'est comme les médicaments. Il suffit de changer un petit bricole dans la molécule. Ça ne porte pas le même nom. Et puis ça a des effets parfois encore plus compliqués. Alors, autre question, on a toujours l'impression que c'est essentiellement concernant le glyphosate, mais pas seulement. Oh, mais le glyphosate, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a les SDHI maintenant. Ça fait plus de 20 ans qu'il existe, les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. Bon, la succinate déshydrogénase, en trois mots, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais ce n'est pas sûr. La succinate déshydrogénase, c'est un enzyme qui est très important pour la respiration cellulaire au niveau des mitochondries. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais de tous les organismes, enfin de beaucoup d'organismes, en particulier des champignons. Donc en utilisant un produit qui coupe l'effet de la succinate déshydrogénase, on empêche la cellule de respirer. Donc l'organisme meurt. Surtout quand c'est un organisme assez simple comme les champignons. Mais cette succinate déshydrogénase, elle existe dans d'autres organismes que les champignons. Elle existe chez les vertébrés, elle existe chez les mammifères, elle existe chez l'homme. Donc, quand on respire, quand on inhale, quand on mange des produits à base d'inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, on empêche certaines de nos cellules de respirer. Donc, ça provoque des problèmes de santé. et en particulier tous les problèmes neurodégénératifs, Parkinson, Alzheimer, et puis encore des tas de... C'est aussi cancérigène. Donc c'est très dangereux. Et on s'est rendu compte que ces produits-là étaient dangereux, c'est récent, ça fait quelques mois, parce que des chercheurs se sont penchés sur le sujet. Des chercheurs qui travaillaient sur la succinate déshydrogénase se sont dit, mais est-ce que dans la nature, il n'existerait pas des inhibiteurs de cette enzyme? Et en fait, ils ont trouvé que ça existait dans certains pesticides, dans certains herbicides, dans certains fongicides. Et là, ils ont crié... Qui demeurent présents dans les sols, dans les plantes, pendant des décennies. Ce sont des produits qui sont utilisés pour le blé, pour le tabac, pour, pour beaucoup de cultures. Pour couper les champignons, éviter que les champignons progressent. C'est un fongicide. On en retrouve dans l'alimentation. Alors, ces gens-là, ces chercheurs-là, se sont inquiétés fortement. Ils ont alerté l'ANSES. L'ANSES a dit, oh, c'est rien, c'est pas grave. Alors, actuellement, il y a un combat entre un groupe de chercheurs qui est complètement convaincu que c'est très dangereux, et puis l'ANSES qui fait de la résistance. Les chercheurs qui en sont convaincus commencent à gagner, à marquer des points. Mais ce n'est pas encore... Il y a un lobbying derrière Évidemment. Évidemment. Alors, dire que l'ANSES est indépendante, d'accord, sur les papiers. Mais dans les faits... Enfin, tu réfères à des études qui sont faites souvent par les... Par les producteurs. Par les producteurs eux-mêmes de ces produits. On connaît le schéma. Hein. Donc, automatiquement, c'est biaisé. On manque d'un laboratoire public qui soit indépendant, du sponsoring intègre, ouais. et qui dirait la vérité, oui. Sans arrière-pensée mercantile. Tout à fait. Valable à l'échelon européen d'avoir. Mais ça serait encore des emplois publics. Oui, mais c'est toujours pareil. Voilà, c'est ça le problème, c'est le financement. Et le financement, il vient d'où? C'est celui qui va financer, qui va dire. Et qui va donner la feuille de route. Et c'est toujours la même chose. C'est comme ça que ça se passe. On fait confiance aux. Il faudrait que ça soit associatif. Producteurs de pesticides, mais bon, c'est faire confiance. Il faudrait que ça soit associatif. Oui, c'est vrai. Comme pour je ne connais pas suffisamment bien le sujet, mais je suis en train de chercher le nom de l'association qui s'occupe de tout ce qui est radioactif. Tu connais ça, Michel? Association indépendante qui cherche, qui va faire des recherches quand il y a des problèmes de radioactivité, qui est complètement indépendante de tout organisme. Le CRIRAD. Oui, c'est ça, c'est le CRIRAD. C'est déjà vieux, hein, ça existe depuis un certain temps. Et il faudrait un organisme comme ça. Mais c'est valable aussi pour les médicaments. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. C'est valable aussi pour les médicaments. Oui. Bien sûr. Je ne veux pas parler des statines, mais bon, tout bas. Mais c'est valable aussi pour dans l'alimentation, dans la chimie aussi, toutes les nouvelles molécules qui sont déversées sur le public. Je ne sais pas, mais pratiquement tous les mois, on a 1000 molécules qui partent comme ça et on ne les a pas toutes étudiées sur le vivant. Et voilà, c'est toujours la même chose, quoi, hein. Je ne sais pas votre avis, mais on disait il y a quelques années en arrière qu'on inventait une nouvelle molécule pour les médicaments à peu près tous les 8 ans et qu'on sortait par contre des milliers de molécules nouvelles tous les ans en chimie, sans qu'on sache véritablement leur portée à long terme sur les consommateurs. Disons qu'au niveau des médicaments, c'est un peu compliqué. Ça dépend quel type de médicament. Si on prend par exemple les antibiotiques, on ne sort plus beaucoup de nouvelles antibiotiques. Et c'est là, c'est un problème aussi. Parce qu'on a créé des résistances. Les anciens, les moins, sont plus très actifs. Parce qu'en fait, les bactéries ont développé... Des résistances. Voilà. Et il faut qu'on invente de nouveaux trucs, mais on n'y arrive pas. Oui, on a des colibacilles qui sont devenus résistants à tout. Ou des bacilles tuberculeuses également, je crois. Voilà. Oui, oui. Et on arrive à un seuil... où finalement, les projections nous disent que dans X dizaines d'années, si on ne trouve pas de nouvelles molécules, on en reviendra avant 1940. Quoi. Je ne veux pas être alarmiste. Hein. Ouais, disons que le problème est quand même réel. C'est un vrai problème, parce que quand on voit les services de chirurgie, notamment orthopédiques, qui sont complètement contaminés par le staphylocoque doré, par exemple, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est un vrai, vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. On a vécu une époque d'or, je dirais, du point de vue protection. Mais on avait oublié que les grandes épidémies, que l'infectiologie était quelque chose d'évolutif et qui peut très bien réapparaître. Ouais. On avait... Pas très rassurant. On s'éloigne un peu du sujet, mais... Oh, pas tellement, hein, parce qu'on s'aperçoit quand même quand même, les antibiotiques dans l'alimentation animale, enfin, pour prévenir des affections, ont été déversés. Et ils sont toujours. Et ils sont toujours, d'ailleurs, malheureusement. Oui, la médecine humaine utilise les antibiotiques en milligrammes, la médecine vétérinaire l'utilise... Grammes ou en tonnes. Oui, pardon. Hein, c'est expliqué aussi, quoi. Tout est lié, quoi. Hein, c'est-à-dire que l'industrie chimique aujourd'hui, les méthodes d'élevage, les méthodes de consommation, la consommation aujourd'hui, c'est pas très rassurant pour l'avenir, quoi. Pour notre avenir. Une blague, quelqu'un disait. Je ne veux pas stigmatiser certains aliments, mais je ne veux pas en prendre. Je n'ai pas d'infection en ce moment. Je ne stigmatise personne. Enfin, on ne s'est pas tellement éloigné des pesticides. Non, c'est le même sujet. C'est le même sujet. Disons qu'on a cru, après la guerre, après 1945, que finalement, avec des produits chimiques, on arrivera à résoudre tous les problèmes. On y a cru, mais de bonne foi. Voilà. Et c'était légitime d'y croire. Que ce soit pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la santé humaine, mais on ne s'est pas assez vite rendu compte qu'il y avait le revers de la médaille et qu'il fallait les utiliser à bon escient, avec parcimonie, et non arroser tout, que ce soit les patients avec des antibiotiques ou les plantes avec des pesticides. On n'a pas réagi assez tôt. Et quand on a commencé à réagir, le rouleau compresseur des producteurs était déjà en route et a écrasé tout le monde. Et en fait, maintenant, c'est un peu David contre Goliath. Hein. Les gens qui résistent, qui se rendent compte, et puis les producteurs qui veulent toujours gagner du fric, et puis qui créent des emplois. Donc, comme ils créent des emplois, enfin, tout du moins, ils en conservent, forcément, automatiquement, personne n'ose bouger, parce que si jamais on diminue, il faut diminuer leur production, ben, ça va les emplois en moins, qu'on pourrait utiliser ailleurs, bien entendu. Mais ça, on ne le dit pas. Alors que c'est devenu un problème de santé publique. Un problème de société aussi. Puis un problème de société, bien sûr. Absolument. Alors, je voudrais quand même donner un petit... Je vais revenir un petit peu au Laos. Parce qu'en fait, je suis censé... Oui, c'était... Alors, je signale que c'était l'Assemblée générale des amis du Laos. Donc, samedi, pardon. Mais je suis censé dire aujourd'hui, vous inviter à une conférence que j'aurai le plaisir d'animer, le vendredi 21 à 20h30, au centre Gilbert Zog, sur les pesticides de Laos... qui sont quelque part un petit peu quand même un miroir pour la France. Alors je voudrais dire qu'au Laos, j'ai vu des décès provoqués par les pesticides. Des décès. Ça fait une vingtaine d'années que le Laos utilise des pesticides, que les paysans laotiens utilisent des pesticides sans trop savoir ce que c'est. On leur dit, vous mettez ça, ça tue les herbes, vous serez quitte de travailler plus. Je résume. Hein. Donc ils en mettent autant qu'ils peuvent. Autant qu'ils peuvent en acheter, parce qu'ils n'ont pas non plus énormément d'argent pour en acheter, mais ils en mettent autant qu'ils peuvent. Parfois, c'est fourni par la Chine ? C'est fourni, oui, il faut les acheter quand même. Hein. Sur quel type de culture ? Alors, surtout sur... il faudrait que je revienne un petit peu en arrière. Je termine ce que je disais, puis je vous expliquerai après. Donc, des pesticides qui sont mal utilisés. Avec les gens ne se protègent pas, ne mettent pas de gants, pas de bottes, pas de masque, bien sûr, il fait chaud. Donc, et puis, il y a eu des cas de décès, surtout par des gens qui ont cueilli, parce que là-bas, on se nourrit beaucoup de champignons, de légumes sauvages, de pousses de bambou, etc., qui ont cueilli ces aliments-là à proximité des champs où étaient épandus les pesticides. Et il y a eu des décès. Et il y a des malformations. Et il y a vraiment des intoxications aiguës qu'ici, on ne connaît pas. On connaît les intoxications chroniques, mais on connaît très peu les intoxications aiguës, si ce n'est la personne. Ça se manifeste par quoi ? Moi, je m'étais laissé dire aussi qu'ils se polluaient par l'eau. C'est-à-dire qu'ils creusent des puits et en fait, le pesticide, il passe dans les nappes phréatiques, finalement, et ils boivent l'eau comme ça. Alors, ça entre en ligne de compte dans les intoxications chroniques, mais pas trop dans les intoxications aiguës. Ouais. Parce que sinon, ça serait... Enfin, je veux dire que... L'alerte serait plus importante. Oui. Si tout un village se contaminait de manière régulière avec l'eau. Ça serait grave, enfin, ce serait important. Alors que les intoxications aiguës à droite à gauche, au début, moi j'étais au début quand ça s'est produit, j'ai alerté la fonction publique, la santé publique d'État. J'ai dit, mais. Et en fait, oui, ils se sont creusés, ils ont cherché, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et maintenant, je me demande, c'est un petit peu une extrapolation, hein, s'il n'y a pas plus de problèmes avec les pesticides qu'avec le paludisme. Dans un pays qui était fortement impaludé. Oui. Mm-hmm. Qui l'est beaucoup moins maintenant, mais qui était fortement impaludé. En 20 ans, moi, j'ai vu des changements au niveau de la santé importants, très importants. Des glissements de pathologie. Mais là, les décès aigus que tu as constatés, c'était par quel biais ? Par le biais neurologique ? Par le biais respiratoire ? Par le biais d'intoxication sanguine ? Des états de choc. Ah, oui, des chocs. Mmh. Ah oui. C'est-à-dire, parce que vous pouvez non initier, ça veut dire... Une baisse de tension. Une baisse de tension brutale. C'est comme quand quelqu'un est piqué par une abeille et puis qu'il est allergique, si tu veux, ça fait un choc. Et t'as une baisse de la tension, et le type il tombe par terre, terminé. Et puis si tu lui donnes pas un peu de, enfin, ce qu'il lui faut pour faire repartir le cœur, il décède, quoi. C'est un peu ça le problème. Ouais, il y a eu aussi beaucoup de cas aigus, mais sans aller jusqu'au décès. Mais je veux dire, bon, désordres intestinaux, neurologiques, céphalées, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il y en a moins maintenant, parce qu'ils commencent à comprendre ce que c'est. Mais je veux dire qu'au départ, on leur a donné ça, c'était miraculeux, ils y allaient, puis voilà, quoi. Ouais. Sans expliquer, ou les explications en chinois ou en thaï, c'est pas évident. Alors, aux amis Laurent du Laos, vous avez mis en garde justement contre l'utilisation des pesticides. On a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que c'était un problème de santé publique et que les gens n'étaient pas informés. Donc, on a essayé d'informer les gens. Alors maintenant, les services de l'agriculture, toujours les services d'État, la fonction publique, mettent en place des formations pour leur expliquer. Et il y a des lois maintenant au Laos qui interdisent l'utilisation des pesticides. D'accord. Mais la loi, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. Parce que sur les marchés, on trouve encore à acheter des pots du paraquat ou de la trazine. On en trouve encore. Et là, c'est bien marqué à trazine et paraquat. Hein. J'ai pris des photos, même si tout est en taille, on arrive quand même, savoir ce que c'était. Mais alors, oui, en fait, ils ne comprennent plus trop, parce qu'il y a 20 ans, on leur disait, allez-y, utilisez ces produits-là, vous allez produire beaucoup plus, et le pays en a besoin. Et maintenant, on leur dit, bon, vous arrêtez les pesticides, mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils font de la permaculture ? Je vous explique. Je réponds à ta question. Dans quelle culture ? Alors, il faut savoir qu'au Laos, il y a 20 ans, c'est encore comme ça maintenant, mais ça a changé pas mal. C'est ce que je vais expliquer dans la conférence. Les gens se nourrissaient, cultivaient uniquement le riz. Oui. Parce que le riz, c'est leur culture vivrière. Mmh. Ils vivent du riz. Ils en mangent 3 fois par jour. Donc, ils cultivent le riz. Il y a 2 façons de cultiver le riz. Il y a la façon que l'on connaît tous, sur les plaines ou dans les bas-fonds, on irrigue, on repique le riz dans la boue, et puis après, il n'y a pas d'adventice parce que la flotte, elle étouffe toutes les mauvaises herbes. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a juste sur les diguettes, les petites digues qui séparent les parcelles, il peut y avoir de l'air, mais bon, ça ne gêne pas grand-chose. Il y en a qui le coupent, d'autres ne le coupent pas. Ce n'est pas un gros problème. Mais dans la montagne, la région que je connais est très montagneuse. Dans la montagne, vous avez des pentes comme ça, comme les pistes de ski. Tu ne peux pas faire de la culture en... En terrasse, ce n'est pas facile, puis ils n'ont pas la technique. Donc, ils font de la culture sur brûlis. C'est-à-dire qu'ils coupent les arbres en janvier-février, ils y mettent le feu en avril, quand c'est la saison sèche, à la fin de la saison sèche, c'est bien sec, ils mettent le feu. Dans la cendre, ils sèment le riz. Ils ne le repiquent pas, ils le sèment directement. Hein. Et puis dès qu'il pleut, au mois de mai, tout pousse. Je dis bien, tout pousse. Le riz comme les adventices. Mmh. Les adventices, c'est les mauvaises herbes. Alors, il faut enlever les mauvaises herbes, sans arrêt. Mais ils ont quand même une technique ancestrale qui fait qu'ils ont quand même conservé un environnement qui est correct. Pourquoi ils ont réussi à faire ça ? Parce qu'ils n'arrachent pas les mauvaises herbes. Ils les coupent avec un coupe-coupe. Ils les coupent, donc le riz pousse. La mauvaise herbe, comme elle a encore ses racines, elle continue de pousser, donc il faut la recouper. Au début que j'étais là-bas, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas un cercle noir, ce serait quand même beaucoup plus simple. Mais ils ont raison. Enfin, il faut qu'il passe trois fois dans l'année, hein, pour, enfin, trois fois dans le moment oui, de la course aux riz, pour couper tout, pour que ça n'étouffe pas. Il récolte le riz, et dès qu'il y a un petit peu d'humidité en automne, parce qu'il y a beaucoup d'humidité en automne, pas trop de pluie, mais surtout des brumes. Des brumes, oui, d'accord. Puis il y a un orage de temps en temps, mais pas trop souvent. Puis on est en montagne. Oui, on est en montagne. Dès qu'il pleut, ben, les herbes le repoussent. Les arbres commencent à repousser. Et les arbres, ils ne les coupent pas à ras du sol, ils les coupent pas entre 70 et 1 mètre de haut. Et tout repousse. Donc, à la mousson suivante, il n'y a pas de glissement de terrain. Ça reste bien. Et ça repousse en quelques années. Et dans la culture traditionnelle, il revenait sur une parcelle pas avant 10 à 12 ans. Donc, il y avait déjà un couvert végétal qui avait eu le temps de progresser. Donc, ils utilisaient une biomasse qui avait une dizaine, 10, 12 ans. Sous les tropiques, ça pousse vite. Si bien que c'était assez bien géré. C'était assez bien géré. Mais vu d'ici, bah, ils sont fous. Ils déforestent. Et c'est pas normal. Alors, les organisations internationales, le PNUD, enfin, les Nations Unies, etc., c'est scandaleux. Ils mettent le feu à la forêt. C'est la déforestation. Ça va pas. Il faut changer de politique. Donc, gouvernement là-haut, on lui file plus d'aide s'il ne réduit pas les zones d'essartage. On appelle ça l'essartage. S'il ne réduit pas les zones d'essartage, ah ben, le gouvernement là-haut, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ben, il faut qu'on trouve une solution. Donc maintenant, vous allez plus faire des rotations tous les 10-12 ans, mais tous les 5 ans. Bon. Puis après, ce n'est pas encore suffisant, donc tous les 3 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on revient tous les 3 ans sur la même terre? Ben, le couvert végétal, il n'est pas très haut. Oui, qu'elle s'appauvrit. Ah ben, absolument. La terre s'appauvrit, elle n'a pas le temps de se régénérer. Voilà. Et donc les rendements sont insuffisants, les gens ont faim, parce qu'ils tournent beaucoup plus de travail, parce que les adventices poussent plus vite. Donc résultat, on a affamé et appauvri les populations. Et pire que ça, comme le sol, comme la végétation n'a pas le temps de repousser, et bien là les glissements de terrain, ils existent. L'érosion. Ouais. Voilà, l'érosion est plus importante. Donc résultat, on s'est trompé. Et c'est en partie de la faute de nous, experts scientifiques internationaux. Qui on ne fait pas assez confiance finalement à tout. Locale. Voilà, avec l'histoire du pays, leurs habitudes, leurs us, leurs coutumes et tout ça. Quoi. Donc et s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient quand même, ils ont quand même réfléchi. Ils étaient capables de se nourrir des taux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement là-haut a dit il faut trouver une solution. Donc, on va imaginer un couvert forestier qui est rentable. Ben, le verre, pardi. Ben, c'est quand même bien, le verre. Les bananes. Le caoutchouc, ça se vend bien et tout. Oui. Puis les Chinois leur ont dit, nous, on a besoin d'EVA, allez-y, repiquez les EVA, ou nous, on vous fournit tout, on vous loue le terrain, et hop, bon, EVA. Beaucoup d'EVA. Banane, tu l'as dit. Banane, c'est aussi, en ce moment, c'est la grande vogue. Il y a eu des essais d'eucalyptus, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a aussi du maïs industriel, enfin, ce que j'appelle industriel, c'est le maïs qu'on donne aux animaux pour se nourrir et avec lesquels on fait aussi de l'agrocarburant. Bon, ça, c'est les Chinois qui le commandent. Alors, les Chinois, quand ils viennent, ils disent voilà, vous avez les semences, vous avez les produits, et puis nous, on vient chercher le produit fini au cours du jour. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ça va se vendre. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a moins de riz de pente. Hein, le riz de pente, c'est le riz sur brûlis. Il y en a moins, c'est vrai. Il y a plus de couverts forestiers pérennes, parce que les EVA, en 7 ans, ils produisent. Hein. Les EVA ont grandi et tout. Mais en fait, la monoculture... Mais c'est toujours pareil. On met des produits et on en revient à ce qu'on fait chez nous. Est-ce qu'on essaye de, justement, sur lequel on essaye de lutter? Parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne solution. Alors, les ONG... surtout celles qui font du développement et de l'agriculture, sans gratter la tête, puis on dit, mais il faut faire de l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, c'est ni plus ni moins ce qu'ils faisaient avant, en mettant quelques arbres en plus, et parce que quand ils faisaient du riz d'essartage, ils faisaient surtout de la monoculture de riz, mais de temps en temps, ils mettaient quand même avec un petit peu de maïs à consommation humaine, des petits maïs, un petit peu de haricots, un petit peu de tomates, ou un petit peu de sésame, mais pas beaucoup. Alors que maraîchage. Voilà, l'agroforesterie, c'est mélanger tout ça. Mélanger tout ça, parce que les plantes, en s'associant, luttent contre les maladies. Si bien que cette technique-là, c'est sans doute la meilleure, mais maintenant, il faut la faire il faut la diffuser. Développer. Parce que c'est, ils ont un savoir-faire par rapport à la culture du riz, mais il faut apprendre, il faut qu'on a, avec eux, on les accompagne, enfin je dis on, les ONG, qu'on les accompagne pour comprendre avec eux comment on peut aménager ces terrains pontus en agroforesterie. Et ça se fait, hein, il y a le comité de coopération que l'AOS, l'association avec laquelle on travaille, enfin à laquelle on est lié, le fait de manière importante. Monsieur Dufumier qui a donné quelques conférences dans les Vosges, qui a un grand pont de l'agroforesterie, fait partie du CCL et initie ce genre de révolution agricole, si je puis dire. Comme quoi, il y a des solutions. Alors, pourquoi je dis que c'est un miroir pour la France ? Parce que d'une part, c'est nous qui leur avons imposé, enfin, les Occidentaux, de changer de culture. C'est les Chinois qui ont pris leur lait pour pour promouvoir des monocultures industrielles. Qui leur serviraient. Qui sont rentables pour eux. Et puis, maintenant, dans la lutte contre les pesticides, ben, le gouvernement, il a pris des mesures plus importantes que le nôtre. La société civile... Il y avait urgence. Ah oui, la société civile se mobilise quand même pas. C'est pas aussi facile que chez nous, parce que c'est quand même un régime un peu dur. Enfin, les libertés sont quand même moindres que chez nous. Hein. Il faut reconnaître un parti unique. Hein. Donc, c'est pas la même façon de réfléchir et d'agir. Et puis, il y a quand même des ONG qui travaillent avec les paysans pour changer les choses. Enfin, je veux dire, en 20 ans, on a un raccourci de ce qui pourrait se passer ici. Mais par exemple, est-ce qu'il y a d'autres, autour du Laos, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont peut-être plus en avance qu'eux, qui ont eu les mêmes problèmes et puis qui finalement ont réfléchi ? Je ne sais pas, je pense à la Birmanie. La Thaïlande, oui. La Thaïlande, ils commencent à faire des choses plus intéressantes. Ils commencent à sortir un petit peu de ces cultures. Et la Thaïlande a été moins perméable aux Chinois, parce que la Thaïlande a quand même une économie plus forte. Alors que le Laos, c'est une économie, enfin, c'est le 137e pays à l'échelle, enfin, dans le rang du développement. C'est un pays relativement pauvre. Donc, la Chine a tendance à considérer que c'est une de ses provinces, quoi. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Même qu'il y a des frontières communes aussi avec la Thaïlande. Oui, avec la Thaïlande, avec le Vietnam, avec la Birmanie, avec le Cambodge. Oui, c'est. Je voulais revenir simplement poser une question par rapport aux arbres. C'était surtout le bouroudi, ça concernait surtout les bambous, de la broussaille, c'était quoi ? Beaucoup de bambous, de la broussaille, mais aussi des arbres. Bon, je ne connais pas tous les noms, mais des arbres, disons, moins. Comment dire ? Emblématiques ? Oui. Disons que. C'était pas une arborescence très, très développée. Mais au bout de 12 ans, quand tu te rends compte que tu mets un EVA, 7 ans après, il est rentable. 7 ans après, tu peux déjà pomper l'EVA, pomper le latex. Donc ça veut dire que ton tronc est déjà comme ça. Enfin, j'exagère un peu. Disons comme. 10 cm. Oui, c'est ça. Mais ça grossit très vite. Donc en 10 ans, tu as déjà des arbres comme ça. Donc c'est pas. Mais c'était le cas avant la culture de l'EVA ? Mais quand ils pouvaient tourner tous les 10-12 ans, oui, c'était le cas. Et maintenant, avec 6 ans, c'était plus grand-chose. Puis 3 ans, c'est la catastrophe. Mais il fallait savoir aussi que les villages, ils avaient un territoire d'essartage. Ils revenaient tous les 10-12 ans. Mais il arrivait assez souvent, au début du siècle dernier, quand il y avait encore pas une énorme population, ils se déplaçaient le village. Ils se déplaçaient pour laisser encore plus de temps au territoire des sartages anciens de repousser. Ils se déménageaient de 10-15 km, parfois 20-30. Oui, parce que c'est pas des maisons en dur qu'ils ont, c'est des... Ah ben c'est des maisons... Maisons en torchis. Oui. Alors, non, c'est des maisons en bois et en bambou. Il faut savoir que les gens des montagnes, ils n'ont pas une maison sur pilotis. Les gens des plaines ont des maisons sur pilotis, telles qu'on voit dans les films sur les rizières, etc. Là, c'est des maisons au ras du sol. On dirait des huttes de Gaulois. Ah oui. Ça ressemble à des huttes de Gaulois avec le toit de chaume. Ils démontent les planches, ils mettent ça sur des chevaux, puis hop, ils changent de place. Est-ce qu'il y a une démographie importante ? Alors actuellement, le Laos a 7 millions d'habitants pour un territoire moitié de la France. Oui, donc il y a suffisamment de place. C'est une vingtaine d'habitants. Oui, kilomètres carrés. Suffisamment de place pour une agriculture, je dirais, raisonnable. Pour l'instant, pour nourrir oui. la population. Bon, voilà. La population a quand même grossi. Enfin, c'est quand même accru quand même pas mal parce que c'est passé de 5 à 7 millions en 20-30 ans. Oui. Par contre, quand je suis arrivé au Laos, la démographie était... Enfin, il y avait les femmes... Les familles étaient importantes, il y avait jusqu'à entre 6 et 10 enfants par famille. Mais très rapidement, les services de l'État et la population étaient demandeuses de régulation. Et maintenant, 2-3 enfants par famille, oui. C'est quasiment la norme. Ça a considérablement diminué. Il y a un peu plus de 20 ans, quand on allait dans les villages pour faire le poids à la mesure des enfants, pour voir si, contrôler s'il n'y avait pas de malnutrition... il arrivait, on contrôlait les enfants de la naissance à 5 ans, il arrivait qu'on ait 3 enfants par famille à contrôler. Mmh. 3 enfants entre de 0 à 5, de 1. Ils les avaient coup sur coup, quoi. Ouais. Et maintenant, ça n'existe plus. Ça. Et le poids moyen des enfants a tendance à augmenter quand même un petit peu. Un petit peu. Oui. Enfin, il y a eu des études de fait récemment par une ingénieure nutritionniste du CCL qui a fait des bouquins là-dessus d'ailleurs. Elle montre qu'il y a quand même eu une croissance, que c'est quand même mieux. Mais dans certains villages paumés, c'est comme il y a 20 ans, dans le village que je connaissais, où il y avait des cas, des mortalités importantes, et où le poids de naissance était entre 2 et 1,5 kg, enfin même pas 1,5 kg, entre 1,5 kg et 2,5 kg. Mmh. Et je pense sur le plan infrastructure hospitalière, il y a des hôpitaux quand même, des vrais hôpitaux qu'on appelle quand même, où il y a un service de chirurgie qui tienne le coup et tout ça. Maintenant, oui. Pour 7 millions d'habitants, je crois que la capitale, c'est Rawalpindi, c'est ça ? Vientiane. Voilà, Vientiane. Et donc, mis à part Vientiane, que je suppose qu'il y a un bel hôpital, il y a un hôpital est-ce qu'il y en a d'autres dans des villes ? Dans chaque province, il y a 17 provinces, dans chaque province, il y a un hôpital provincial. Moi, j'ai connu l'hôpital provincial de Oudomsa en 96. C'était un dispensaire. Pas un gros fond de quoi. Maintenant, c'est un hôpital. C'est un hôpital avec des bâtiments. Bon, ils ont été fabriqués par les Japonais. Des bâtiments solides avec des médecins qui ont reçu des formations déjà beaucoup plus conséquentes, avec des chirurgiens qui savent, qui connaissent leur boulot. Il y en a certains qui ont eu des formations en Allemagne, d'autres au Japon, d'autres en... D'accord. En Australie, au Canada, en France aussi. Mmh. Non, maintenant, disons que ça commence à être intéressant. Alors, où on travaille maintenant, c'est plutôt pour les hôpitaux de district et les dispensaires. Là aussi, le programme qu'on met en place, les enfants d'ailleurs et maintenant les amis lorrains du Laos, on travaille aussi à les aider à se structurer au niveau des dispensaires. Mmh. Et les dispensaires commencent à être des entités intéressantes, où ils commencent à faire du bon travail, en particulier pour l'accouchement, et puis pour tout ce qui est vaccination. Parce que je suppose que quand tu es arrivé, il y avait une mortalité infantile importante. Là, maintenant, ça commence 20%. À... 20%. Combien ? 20%. Alors que nous, chez nous, on est à quoi ? 4 pour 1000 ? Bon, maintenant, ça diminue, hein, c'est nettement mieux, mais je veux dire que c'était affolant. Mais il y a encore des régions, des villages isolés, où, enfin, des districts isolés, où c'est presque encore... Pas tout à fait ces chiffres-là, mais pas loin. Là, il y a encore du boulot. Hein. Ah ben, bien sûr qu'il y a du boulot. C'est pour ça qu'on est toujours sur ce à quoi ça se traîne les amis lorrains du Laos. En fait, on fait de l'accompagnement de la santé publique. On ne fait pas des trucs comme ça au hasard. On accompagne les politiques de santé publique. On leur donne un coup de main financier, technique, quand c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que ça se pérennise et que c'est intéressant, parce que on marche avec eux. Oui. Donc, ce qu'on sème, ça continue de pousser. Mmh. C'est pas englouti par autre chose. Ils écoutent. Ils sont intéressés. Il y a des demandes. On répond à leurs demandes. Ils sont intéressés. Puis on travaille avec eux. Puis on n'impose rien du tout. Hein. On essaye de travailler avec eux. Oui. De se dire, bon, voilà, comment ils font, pourquoi ils le font. Nous, voilà, comment on ferait. Puis on discute. Oui, on ne peut pas faire comme vous parce qu'il y a telle chose qui... c'est vrai. Il y a un partage d'un savoir. Oui, il y a un partage de savoir. Tout à fait. Bon, quand je suis arrivé au début, je ne comprenais rien. Bon, je faisais les consultations, les visites en pédiatrie 3 fois par semaine. Parfois, j'étais complètement sidéré par ce qui se passait. Puis alors, j'étais avec le médecin-chef, on s'entendait bien. Je lui dis, mais pourquoi tu fais comme ça? Ah ben, parce que tu comprends, si je fais... Bon, je prends un exemple, ça serait plus parlant. En fin de semaine, le samedi, on passait la visite. Et puis le médecin me disait, oui, mais l'enfant là, bah, qui n'était pas bien du tout, hein, les parents veulent qu'il sorte pour passer le dimanche avec eux parce qu'ils ont prévu un bassi. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Le bassi, c'est un rite animiste. Même les bouddhistes le pratiquent. Hein. Un rite animiste qui est censé rattraper les âmes qui sont envolées. Une personne, c'est la malade, c'est qu'elle a perdu ses quelques âmes. On a beaucoup des âmes. Hein. Donc, il faut les rattacher. Donc, il faut les appeler. Il y a un officiant qui incante les âmes et qui leur demande de rentrer dans le corps. Et une fois qu'elles sont rentrées dans le corps, on met des fils de coton pour qu'elles restent... C'est quelque part le lien social. Alors, ça se passe autour d'une table basse, on est tous assis par terre. Il y a un bouquet de fleurs, des fils de coton et puis de la nourriture. Alors, on partage la nourriture, on partage les fils de coton, on boit un peu d'alcool aussi. Hein. Oui, forcément, hein, l'alcool de riz. Oui. Et puis, à la fin de la cérémonie, tout le monde partage un repas. Alors, assez conséquent, mais tout le monde apporte quelque chose. Le voisin là apporte des mangues, l'autre apporte un poulet, l'autre apporte du riz. Et tout le monde est là quand il y a une fête de ce type. Et c'est vraiment le lien social. Il y a quelque part une signification psychologique importante. Oui, parce qu'il n'y a pas que la famille, il y a aussi les voisins, le quartier, le village. Le village quand il est petit, le quartier quand c'est dans une ville un peu plus grande. Et en général, le gamin, il revient le lundi. Il n'est pas plus mal. Il n'est pas plus mal. Mais quand c'est des adultes, moi j'ai vu des cas d'adultes qui revenaient, ils étaient quasiment guéris. Le fait de se sentir porté par la collectivité, ça leur donne du punch. Et je ne dis pas que c'est magique. Hein. Je pense qu'il y a une forte composante psychologique. Certainement, oui. On pourrait parler d'un effet placebo. Mais tu peux appeler ça comme ça si tu veux, mais ce n'est même pas un médicament. Ils sont portés par la famille, communauté. Par la société, par la communauté. Et ça les... Et d'autant plus que la croyance est importante dans ce genre de rite. Oui, de toute façon. Alors ça, quand on ne le sait pas, on dit, mais ah, pas non, il ne va pas sortir. Hein. Non, mais il reste là. Hein. Et puis il meurt dans son lit. Alors, là, c'est un exemple que je prends, mais j'en ai des tas d'autres comme ça. Ouais, c'est étonnant, hein, quand même. Est-ce que du point de vue gouvernemental, il y a des plans de santé publique importants? Il y a l'OMS qui est bien présent, et l'UNICEF aussi. Et les plans de santé publique, ils sont faits aussi avec l'UNICEF et l'OMS. Hein. D'accord. Mais au début, toi, quand tu es arrivé, tu avais un traducteur, tu avais un interprète. Ah, oui, encore que, maintenant. Parce que débouler encore dans maintenant, un... Encore maintenant, parce que les subtilités... Dans un village, je me débrouille. Dans un village avec les paysans, discuter des choses simples, de la santé, j'ai à peu près le vocabulaire. Ils arrivent à me comprendre maintenant, parce que j'ai un mauvais accent. Parce que là-bas, il y a 7 tonalités, alors... Oui... 7 tonalités avec un accent vosgien, tu vois ce que je peux donner. Donc c'est un exercice médical, mais linguistique aussi, qui n'est pas négligeable. C'est une belle performance. Hein. Donc je ne m'en mêle pas trop. Quand c'est compliqué avec l'administration, qu'il faut discuter budget, là, non. Ouais. Pas tout seul. Ça ne suscite pas des vocations chez vous, Didier, Jean? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Non, pas trop, ouais. Parce que là, tu y vas combien de temps combien de fois par an? J'y ai vécu 5 ans. Oui. Donc, j'ai eu le temps de mettre en place avec les gens qui étaient avec moi, qui étaient médecins de base à l'époque. Maintenant, ils sont responsables. Ils sont responsables de la santé publique. Oui, d'accord. Donc on a travaillé ensemble et on continue. Et on chemine avec les mêmes objectifs. Donc, finalement, maintenant, je n'ai plus besoin d'y aller trop souvent. J'y vais une fois par an et c'est suffisant. Je fais le point avec eux. Je visite les chantiers qui ont été mis en place, les dispensaires, les réseaux d'eau, les latrines qui ont été faites. Et puis, on discute avec eux. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Il y a tel village. On va les voir. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre l'eau? Est-ce que c'est possible d'avancer un petit peu plus dans la formation d'agents sanitaires villageois? Et puis, on fait un... On bâtit un plan, nous en fonction de nos finances, et en fonction de leurs demandes, et puis, C'est reparti pour un an. T'es devenu le grand ordonnateur. Ben non. Et vous êtes combien? Il y a combien de médecins français qui vont là-bas? Je peux pas dire. Tu peux pas dire. Alors il y a une... Vous êtes pas. Vous n'avez pas fait un organisme finalement avec plusieurs médecins, un groupe qui est chargé de s'occuper de plutôt tel territoire, plutôt tel. Alors ça se fait un petit peu de manière bizarre. On est en relation avec deux autres associations qui travaillent sur le même territoire, la même province. Il y a une association qui s'appelle les médecins Tshingeti-Pagbeng, parce qu'ils vont à Tshingeti en Mauritanie, à Pagbeng dans le sud de la province de l'Omsaï. Ces médecins-là, depuis une quinzaine d'années, enfin, il y a un médecin qui est passé par là, c'est au bord du Mekong, c'est un endroit magnifique, paradisiaque. Il passait ses vacances, il était enchanté, puis il dit, il y a quand même beaucoup de mortalité, il y a quand même beaucoup de décès, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il avait de l'argent, il a créé un dispensaire privé. Hein. Et puis il a commencé à venir faire des soins, et puis ses copains ont commencé à venir faire des soins, et puis c'est des copains. Si bien que maintenant, il y a une association qui fait tourner des médecins, des dentistes, des sages-femmes, des infirmières, toute l'année, pour donner des soins. Et puis ils se sont rendus compte que bah, une année des soins, c'est bien, mais il y a un service de santé publique, il y a un dispensaire à Pagbeng, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu autre chose. Quoi. Alors maintenant, ils font de la formation, et en particulier de la formation au niveau des accouchements. Et bon, je dois dire que je suis content qu'ils fassent ça. Je les ai un peu poussés quelque part. Donc maintenant, on est en relation avec eux. Et il y a une autre association qui s'appelle Peuple et Montagnes du Mekong, avec qui on essaye de travailler aussi. Alors eux, c'est un petit peu différent. C'est un monsieur, le président, qui travaillait dans la formation, je ne sais pas exactement dans quel organisme en France, qui est retraité maintenant, qui est tombé amoureux du Laos, comme beaucoup, et puis qui a dit, mais il y a plein de besoins de formation. Alors lui, il avait des copains aussi, médecins, infirmiers, et puis il les fait venir pour faire des formations. Alors on essaie de travailler ensemble, parce que nous, on n'a pas la même démarche. Mmh. Notre démarche, c'est de former des formateurs, et c'est les formateurs là-haut qui forment les médecins de base. Oui. Parce que moi, j'estime qu'on ne peut pas faire de la formation directe dans la mesure où il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Eh oui, que ce soit au niveau de la tradition. Il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Puis on emploie un vocabulaire qui n'est pas forcément le bon. Donc on passe par des formateurs. Bon, les formateurs, ils ont été formés, pas uniquement par nous, il y a d'autres associations qui ont travaillé à Vientiane. Ils ont commencé à travailler au niveau universitaire. Et puis ces universitaires ont formé des autres personnes dans les provinces, et ces personnes des provinces ont formé des personnes dans les districts, et les dans les districts qui forment dans les villages. Enfin, c'est ce qui s'est passé aussi avec le docteur Raphaël Pitti sur la médecine de guerre. Oui, lui, il a été là-bas exactement. Pour former les gens à sélectionner, à soigner ceux qui vivaient. Voilà, c'est ça. Oui. Tout à fait. C'était... Oui. C'est la même démarche. La même démarche, oui. Je pense que c'est la bonne, à mon avis. Ben, nous, on considère que c'est la bonne, on se trompe peut-être. Mais enfin, donc, on travaille avec ces deux associations parce qu'on est sur le même secteur géographique et on est sur le même secteur de santé publique. Donc on essaye de voir, déjà de ne pas se marcher sur les pieds, d'être en bonne collaboration et puis voir comment on peut faire ensemble. Parce qu'eux, ils ont une université quand même de médecine là-bas. Oui. Mais les médecins qui sont... Il n'y a plus beaucoup des professeurs qui ont été formés à Montpellier, mais il y en a beaucoup qui ont été formés à Montpellier dès là-haut. Ah oui, d'accord. Et maintenant, ces gens-là, bon, commencent à être à la retraite ou âgés, mais je veux dire que c'est l'université de Montpellier qui est quasiment à l'origine de l'université de Vientiane. Ah, d'accord. D'accord. Mais avec quand même un certain partage de savoir quoi, entre des pratiquants ancestrales de la médecine et puis la médecine moderne qui est professée dans les pays occidentaux. D'accord, tu nous parles de la conférence de Gérard May. Enfin, on va s'accorder une pause musicale. Ouais. Dum-dum, a diddly-dum, dum-dum, a diddly-dum, oh yeah! Dum-dum, a diddly-dum. A music sweet. The lights are low, playing a song on the radio. Your ma's in the kitchen, your pa's next door. I wanna love you just a little bit more. Singing, Tom Tom, a diddly dum. Ah ha, Tom Tom, a diddly dum. Sing it out, Tom Tom, a diddly dum. Come on, baby, don't you be so shy. You know that I love you, let me tell you why. You got a heart, I know that it's true. I couldn't love you any more than I do. Sing it, dum dum, a diddly dum. Oh yeah, dum dum, a diddly dum. One more time, dum dum, a diddly dum. There's so many things that we could do. So say the words and make my dreams come true. I'm singing a dum dum, a diddly dum. Ah ha, a dum dum, a diddly dum. Sing it out, dum dum, a diddly dum. Alors on va parler de conférence. Je crois que Étienne est reparti à côté. Il va revenir certainement. Ben, je vais l'annoncer, ce sera beaucoup plus simple. Hein, donc, conférence, les pesticides au Laos, un miroir pour la France. Hein, et je crois que Étienne a bien fait le lien en ce qui se passe aujourd'hui au Laos, avec certains pesticides qui sont interdits d'ailleurs par ailleurs en Europe. Et puis l'évolution aussi des cultures, de la consommation, des lobbies agroalimentaires en France. En France, en Europe. Voilà, donc c'est une conférence qui est donnée par le docteur Étienne Géhin, président de l'association Amis Lorrains du Laos, qui est aussi un peu notre partenaire. Et c'est le vendredi 21 février, c'est ça ? À 20h. À partir de 20h, au Centre culturel Gilbert Zog, salle de conférence Remiremont. J'ai annoncé, enfin tu dis quelques mots par rapport à cette conférence quand même. Ben, je t'expliquerai en détail l'évolution de l'agriculture, pourquoi on en est arrivé là et comment on peut faire pour changer de cap. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué dans la première partie de l'émission, mais avec des détails, avec des photos, avec bien sûr, des explications parce que beaucoup plus... Là on a la radio et malheureusement on ne peut pas. Il n'y a pas le choc des images, n'est-ce pas ? Oui, c'est un modèle aussi pour la France, donc tu dis que... Nos techniques agricoles devraient peut-être évoluer, ce serait intéressant de L'agroforesterie, on peut la faire sous les tropiques parce qu'on peut faire pousser des arbres, et sous les arbres, on peut faire pousser d'autres plantes. Dans les Vosges, c'est un petit peu compliqué, on parlerait plutôt d'agroécologie. Sous les sapins, c'est difficile. Avec les solacides qu'on a, c'est un peu difficile. Hein. Mais disons qu'on en est là. En France, on est aussi obligé de... Il faudrait qu'on arrête les monocultures... Intensives. Voilà, oui. Ah oui, tout à fait. Il faut faire de l'agroécologie intensive. Marc Dufumier, qui est un agronome, dit qu'aucun rayon de soleil ne devrait toucher la terre. Il devrait y avoir des plantes. Chaque plante devrait pouvoir... accueillir et profiter des rayons du soleil. C'est une énergie gratuite qu'il faut utiliser. Et il l'explique très bien dans ses conférences et dans ses bouquins. Et qu'en fait, en ayant plusieurs étages d'agriculture, en ayant des plantes qui se combinent, comment on appelle ça, les haricots, les fèves, etc., qui donnent l'azote au sol. Les néocotinoïdes, non. Ça les cotylédons les Non. C'est le poids, les haricots, les fèves ont des petits granules au niveau des racines qui fabriquent de l'azote. Voilà, et qui le donnent au sol. Et c'est pour ça que quand on coupe ces plantes, il ne faut pas les arracher, il faut laisser les racines dans le sol. Ou alors les racines, tu les mets dans le compost pour que ça resserre l'année prochaine. Oui, l'année d'après. Donc en combinant, je ne suis pas agronome. Des engrais naturels. Voilà, j'entends ce que les agronomes me disent et j'essaie de le comprendre. Et en fait, on arrive à avoir des rendements intéressants. Sans produit, mais avec plus de travail. Alors, plus de travail, ce n'est pas forcément un handicap dans la mesure où on cherche à combattre le chômage. Le chômage, on a quand même 10% de la population. Ce n'est pas forcément un handicap. Oui. Mais il touche ce pays-là et il est aussi touché par le problème du réchauffement climatique. Les désordres climatiques, oui. Un exemple, hein. Ben, oui, je vais justement. Être rapide parce qu'il est déjà 10h et j'ai un rendez-vous téléphonique à 10h15 justement pour le monde de l'association. En 2019, les paysans, on était en avril, les paysans n'ont pas pu mettre, enfin les paysans qui font de l'essartage, n'ont pas pu mettre le feu aux arbres qu'ils avaient coupés à cause de la mousson qui était précoce. Donc, année difficile. Ouais. En 2018, ça. En 2019, il y a une sécheresse. La mousson était très rare. Et il y a du riz qui n'a pas réussi à arriver à maturité. Deux années difficiles à cause des désordres climatiques. Mmh. Une fois trop d'eau, l'année d'après, pas assez. Oui, c'est un problème. Hein. Ah oui. Oui, alors on va comme. On va pas déflorer la conférence, mais c'est bon. Ben merci Étienne. Mais je suis à votre disposition pour venir quand vous voulez. Ah oui, je pense qu'on pourra reprendre tout ça, surtout en cours d'année. Et puis c'est aussi l'objectif de notre magazine Santé. Puis on va parler un petit peu d'ADEMAT. Puisque, ouais. Je suis désolé, je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps. Non, mais ça ne fait rien. Ça fait rien, ça fait rien. De toute façon, on aurait besoin aussi de tes lumières un petit peu, ton expérience de généraliste, pour parler un petit peu du plan de santé 2022, des conséquences actuelles des plans de santé, hein, qui nous semblent quand même très contestables. J'ai arrêté la médecine générale, mon cabinet en 96, et après j'ai fait des remplacements de confrères de 2000 à 2010, mais mon expérience, elle est quand même ancienne. Donc, je pense que trouver des jeunes, ça serait ouais. On se donne rendez-vous. Percutant. On pourrait se donner rendez-vous le mois prochain. Tu participerais? Oui, ça peut. Voilà. Ce n'est pas facile de trouver des généralistes qui ont le temps de s'exprimer, hein, parce qu'ils sont un peu le nez dans le guidon, comme on pourrait dire. Le temps pour les généralistes, ça, c'est un autre problème. Mais il faut qu'on en cause. Merci Étienne. Voilà, alors peut-être parce qu'il nous reste peu de temps, on va s'accorder quand même une pause musicale avant, hein, il n'y a pas de raison. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais. Que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis, tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? D'être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème, et on élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Eh bien, nous reprenons l'antenne après le départ d'Étienne. Hein, du docteur Étienne Géhin, donc, et puis on a annoncé cette conférence, je rappelle quand même, pour ceux qui prendraient l'émission en cours, donc, conférence « Les pesticides au Laos, un miroir pour la France », donc, conférence animée par le docteur Étienne Géhin, président de l'association Amis Lorrains du Laos. Et c'est le vendredi 21 février 2020, à partir de 20h au Centre culturel Gilbert Zogue, salle de conférence à Remiremont, bien sûr. c'est près de la mairie. Voilà, alors on va revenir un petit peu à l'actualité, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau d'ADEMAT, hein, de la défense de l'hôpital, etc., du plan de santé 2022, enfin de l'évolution surtout de la structure hospitalière de Remiremont, étant entendu qu'on pourrait se réserver le prochain magazine santé, pour parler un petit peu de la médecine en général, de l'évolution des structures médicales de l'hôpital, hein, voir comment s'applique ce plan santé 2022, parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés actuellement. Et puis, on assiste quand même à une concurrence de plus en plus vive entre l'hôpital privé, entre les structures privées, et puis l'hôpital public en particulier, hein, au détriment, bien sûr, de l'hôpital public. Je pense qu'on peut analyser Alors, parlons voir de l'actualité. L'hôpital de Remiremont doit faire face, d'une part, à cette régulation qui va être imposée par Ma Santé 2022, la fameuse loi. Oui. Et puis, mais un problème particulier local supplémentaire qui est la construction du nouvel hôpital d'Épinal avec une direction commune. Donc, l'hôpital de Remiremont est handicapé par ces deux phénomènes-là. En particulier, nous avons manifesté récemment le 14 février pour déjà dénoncer aussi la fermeture prochaine du service d'urologie qui va arriver ces jours-ci. Organisé de toutes pièces, puisque 98% de l'activité urologique du département était faite sur Remiremont. La direction commune a diminué drastiquement le salaire d'un urologue qui est parti dans le privé, a transféré l'urologue restant sur Épinal. Donc la patientèle va partir sur Épinal, principalement dans le privé. Puis il a aussi débouté l'urologue qui voulait venir. Alors qu'il y avait un candidat, oui, tout à fait, qui depuis 6 mois réclamait à corps et à cri de venir faire de l'urologie en équipe à Remiremont. C'est une déconstruction programmée, organisée de cet hôpital de Remiremont. Ça, c'est un des événements. Une petite question, c'est quoi l'urologie ? C'est la chirurgie. C'est le pendant de la gynécologie pour chez l'homme. Oui. D'accord. On s'occupe de la vessie, des voies urinaires, des reins, tous les calculs, etc. Prostate, vessie. Mais il y a aussi de l'urologie chez la femme, hein, puisque la femme a aussi une vessie, il y a aussi des reins, des urtères. c'est une spécialité qui avait sa place à Remiremont et qui fonctionnait bien. Tu as des chiffres ? J'ai pas de chiffres d'activité à te donner, mais sauf que à peu près 98% de l'activité était faite sur Remiremont en urologie. Sachant que l'urologie à Épinal était faite par le privé. Voilà. Il n'y avait pas de service d'urologie au départ, il n'y avait pas de service d'urologie à Épinal. D'accord, c'était la ligne bleue pour citer l'établissement. Voilà, le service de Remiremont a été transféré quasiment de toutes pièces sur le centre hospitalier d'Épinal, en perdant au passage un urologue. Parce qu'il est déjà fonctionnel, Épinal, c'est déjà fonctionnel aujourd'hui. Mais oui, parce c'est ouvert, oui. C'est ouvert puisque la chef de service d'urologie de Remiremont est partie à Épinal avec la bonne volonté du directeur commun. Donc il y a effectivement un service d'urologie, mais ils n'ont pas le matériel. La meilleure preuve, c'est ce dont parlait Jean-Pierre Hel vendredi dernier à la manifestation. Il y a un patient qui est arrivé aux urgences à Remiremont. Il a attendu 7h30. Le temps qu'on lui trouve quelqu'un pour le prendre en charge, parce qu'il n'y avait pas d'urologue à Remiremont. Et finalement, ce patient est parti à Nancy pour retirer un petit calcul qui obstruait son urtère. Donc il a attendu 7h30, puis ensuite seulement il a été transféré sur Nancy, sachant que... Très appel téléphonique de l'urgentiste pour trouver une place. Sachant que... C'est totalement désorganisé. D'ailleurs, la première garde d'urologie qu'ils ont fait à Épinal dans le service public, ils ont eu des patients et ils ont envoyé la surveillante à l'hôpital de Remiremont chercher le matériel. C'est totalement désorganisé, c'est fait puis, la petite semaine. Pendant ce temps-là, un patient, il souffre. Parce que fait souffrir, donc, je suppose, terriblement. Ah oui. Donc c'est dommage d'avoir sacrifié une telle activité pour la mettre totalement dans le prix. C'est vraiment dommage. C'était un des éléments. Sinon, le directeur de l'hôpital pratique ce qu'on appelle du harcèlement. Hein, c'est-à-dire que pour le personnel... Le directeur actuel qui doit partir, paraît-il. Oui, qui est déjà parti, je crois. Oui, pour le personnel, impossibilité pour un couple travaillant dans l'hôpital, les deux membres du couple, d'avoir des congés en même temps. Ah bon ? Oui, impossibilité. Même s'ils ont des enfants en charge, oui, par jamais, exemple. Jamais, oui, non, jamais. Et l'argument qu'on leur a donné, partez à Épinal, ça se passera. C'est fantastique. Ça, c'est du harcèlement. C'est du vraiment, vécu, c'est du... Voilà, c'est extrêmement, extrêmement grave. C'est une volonté délibérée de casser un hôpital. La politique générale en matière de santé hospitalière, c'est une politique uniquement financière qui consiste à fermer des lits, à fermer des services, à supprimer des activités pour réduire le personnel public travaillant dans ces hôpitaux, pour réduire la dépense publique. Il n'y a que ça. Il n'y a pas du tout de démarche sanitaire basée sur les besoins. Et on a fait une étude récente sur les, à l'aide de chiffres de l'Observatoire régional de la santé, qui, par communauté de communes des Ballons, communauté de communes de la porte méridionale des Vosges, c'est-à-dire Remiremont, communauté de communes de Saint-Dié, communauté de communes des Hauts-de-Vosges, c'est-à-dire tout la montagne vosgienne, qui montre des besoins cruels en matière de santé. Dont personne ne s'est soucié. On a l'impression vraiment, quand même... Le seul objectif est un objectif financier. Ça donne l'impression que pour l'accès aux soins, on est sacrifié. La santé publique est totalement mise dans les mains de financiers. En dehors, il y a des médecins, il y a des gens qui connaissent les besoins, qui connaissent les pathologies, qui connaissent un petit peu ce dont il faudrait... Ce qui est nécessaire pour améliorer la santé de nos concitoyens localement, mais les fonctionnaires publics administratifs qui gouvernent la santé publique sont totalement incompétents en santé publique, à part le financement, c'est tout. Oui, on a affaire à des fonctionnaires avec leurs règles à calcul et rien d'autre. Des indicateurs vosgiens qui sont très mauvais. La mortalité prématurée dans les Vosges, elle est en moyenne de 21% supérieure avant 65 ans, donc ce n'est pas lié à l'âge. Elle est de 21% supérieure à la moyenne nationale. On parle aussi de suicides fréquents, beaucoup plus fréquents. Cette mortalité prématurée dans la communauté de communes des Ballons, elle est encore bien supérieure. Elle est à 25% supérieure. Les suicides dans le département des Vosges, c'est un tiers de plus que dans le Grand Est et que dans la France, reste de la France. Donc il y a un besoin cruel de psychiatres, d'accompagnement, même des indicateurs purement socio-économiques, comme l'absence de diplôme en sortant de l'école. Dans les Vosges, on est très au-dessus de la moyenne nationale. Il y a 40% dans certaines communautés de communes, 42% exactement, de gens qui sortent peu diplômés ou non diplômés. Alors ces gens-là ont une mortalité prématurée qui est supérieure de 7%. Ils perdent 7 ans d'espérance de vie. Parce que souvent aussi, ils se retrouvent dans des professions perdent 7 ans d'espérance de vie. Exposés, hein, soit dans le monde industriel, soit dans le bâtiment ou autre. Oui. L'accès aux urgences, communauté de communes de Gérardmer, communauté de communes des Ballons, c'est pas nous, c'est les statistiques officielles, disent 29,60 et quelques minutes, pour ne pas dire qu'on dépasse les seuils fatidiques de 30 minutes. Donc j'ai un petit peu des doutes sur le sujet. Mais c'est quand même très loin. Et on ferme des lits, on ferme des services, alors que les lits dans les deux secteurs sanitaires de Saint-Dié et de Gérardmer sont en dessous de la moyenne. Il y a 29 lits de médecine chirurgie obstétrique pour 100 000 habitants, pour 10 000 habitants, je crois, ouais, c'est ça. Et alors que la moyenne dans le Grand Est, c'est 35. Ça pose un problème d'aménagement du territoire. À Épinal, c'est 32. Dans le Grand Est, c'est 35. On est franchement en dessous. Et on ferme des lits. Mais c'est un problème. On ferme des lits. C'est pas un problème d'aménagement, c'est un problème de déstructuration du territoire. Du territoire. Ah, oui. Ah, oui. Oui, oui. Oui, puisque les moyens n'étaient déjà pas suffisants avant, mais aujourd'hui, on les diminue encore. Moi, je pense qu'il y a une trentaine d'années, les moyens étaient suffisants. Mais avec toutes ces restrictions qu'il y a eu depuis 20 ans, et la population qui a vieilli, qui a grandi, et qui a vieilli surtout, les besoins ont dépassé les moyens. Et on se retrouve dans cette situation. Et en plus, on supprime encore des moyens. Oui, et puis quand même une population qui a affronté quand même des problèmes difficiles, hein, pour la production dans le monde industriel, etc. Je voudrais citer par exemple l'hôpital de Remiremont, le secteur sanitaire de Remiremont, a une sous-mortalité de moins 29 décès sur une surmortalité. Une sous-mortalité. Mais une surmortalité en matière de suicide et de cancer de la prostate. Pas de psychiatre et on ferme le service d'urologie. C'est pas mal ça. Il y avait une sous-mortalité, c'est des chiffres un petit peu anciens, là, de cardiopathie ischémique, il y avait moins 10, et de cancer du poumon, moins 10. On a fermé la cardio, on a transféré les pneumologues, ou presque complètement. Donc ça sera intéressant de voir l'évolution en matière de santé. D'autant plus qu'on peut dire qu'à certains moments, il y a plus de pollution au col de la Chouque qu'au centre d'Épinal en plein été. C'est des chiffres qui ont été avancés il y a quelques années en arrière. Ils ne tiennent pas compte de ça. Le tourisme, ils s'en foutent. Je veux dire, le ski en hiver, bon, le ski maintenant, en ce moment, c'est pas terrible. Mais je veux dire, tout ce qui est touristique, ils s'en fichent. Qu'une population de Gérardmer double... Pour eux, c'est pas un problème. Hein. Je veux dire, ce qui les intéresse, c'est à l'instant T ou sur toute l'année, ça fait tant d'habitants, point barre, terminé. Alors, je pense qu'au moment où on voudrait construire un plan local de santé, où on voudrait développer une santé locale et faire des projets, c'est partir des besoins, partir de la mortalité, partir des accidents. Oui. Et pour dire, bon, écoutez, là, il y a un problème. C'est nécessaire. Il faut faire quelque chose. La psychiatrie, par exemple, dans tout ce secteur montagneux de la montagne vosgienne, je pense que certains de nos auditeurs pourraient témoigner quand même de la difficulté pour obtenir un rendez-vous en psychiatrie, pour eux-mêmes ou bien leurs proches. On ne parle pas de l'ophtalmo. Et justement, dans des secteurs comme la communauté de communes des Ballons ou la région de Gérardmer, les distances sont très longues, il n'y a aucune médecine spécialisée, les gens doivent se déplacer, mais c'est là aussi que les indicateurs sociaux sont les plus mauvais. On connaît les revenus même moyens par famille, on est en dessous. Entre les revenus les plus bas et les plus hauts, il y a une espérance de vie de 13 ans de différence. Le seuil de pauvreté dans ces régions-là est plus élevé. Donc on ne peut pas faire de la médecine sans faire de la médecine à la fois sociale, un petit peu, de voir un petit peu l'état médico-social de la population. Tu veux dire le taux ou le seuil de pauvreté ? Le seuil de pauvreté, il est défini nationalement. Il est défini nationalement. Le taux de pauvreté est plus important. En dessous de 60% du revenu moyen. Il est à 1017 euros, je crois, actuellement. Il est à plus de 15% des familles de ces secteurs sanitaires. Voilà. Sans être catastrophiste, mais je pense qu'il faut partir de ces données chiffrées, parce que les chiffres sont un petit peu incontournables quand même, pour proposer quand même un aménagement du territoire en matière de santé sans se faire opposer à l'aveugle des contraintes financières, des chiffres financiers. Ça devrait être quand même le rôle du département, puis des com-com. Bien sûr. Malheureusement, puis c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. Mais avant, il y avait autrefois des diplômes de santé publique. Maintenant, ils les ont supprimés. Donc à la fac, on ne peut plus s'inscrire comme médecin de santé publique. Ça fait partie d'une petite formation attenante à une autre formation. Mais il n'y a plus des médecins spécifiques santé publique. On risque de casser le thermomètre. Enfin, il y a quand même des organismes comme l'ORSAS qui... au point de vue régional. Justement, je voudrais revenir, par exemple, sur l'habitat indigne, qui est un facteur aussi de mauvaise santé. Certaines communautés de communes, que je ne veux pas stigmatiser, arrivent à 6% d'habitat indigne dans le parc privé. Et pour d'autres communautés de communes, le chiffre est marqué non déterminé. Non déterminé veut dire qu'on ne le connaît pas ou secret statistique. C'est écrit en noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente. Donc y a, quand les chiffres sont trop mauvais, on a tendance à les cacher, à masquer le thermomètre. Mmh. Et ce sont des facteurs, ce sont des indicateurs de santé de la population. Je crois qu'il faudra qu'on reprenne ce débat, et puis peut-être ça, avec aussi des généralistes, parce que les généralistes, comment vivent-ils aujourd'hui hein, ces mesures drastiques, on pourrait dire, de diminution des dépenses de santé, qui donc, finalement ne permettent plus un bon accès des soins sur tout sur nos territoires. Et dernier facteur très important dans toute cette région des Vosges, c'est la mortalité et les hospitalisations pour accidentologie de la circulation routière. Ah oui, On est le double de la moyenne nationale. Donc, en matière de santé aussi, parce qu'il y a beaucoup d'handicapés, beaucoup de séquelles de cette accidentologie, je pense que ça déborde le caractère de propre sanitaire, mais je pense que peut-être l'amélioration des routes, il faudrait se pencher là-dessus. C'est quand même pas une fatalité. Je pense que je ne suis pas un spécialiste. Je pense que là, dans les Vosges, il y a toute une situation de prévention qui est ignorée. Voilà, on fait des campagnes de prévention de manière sporadique, je pourrais dire. Au quotidien, on s'aperçoit quand même que ces plans de performance en disant il n'y a qu'à économiser 25 millions d'euros sur les hôpitaux de Remiremont et d'Épinal me choquent, franchement. Oui, parce que la langue, c'est des dépenses. Oui, voilà. C'est des dépenses futures. Et c'est au détriment de l'accès aux soins, parce que ces populations peu favorisées sur le plan social, quand on ferme des services, n'auront plus accéder aux soins. On éloigne les centres de soins. Voilà. On reprendra ce débat lors du prochain magazine Santé, et merci. Si possible avec des généralistes. Oui. Merci Michel. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. À tous vos auditeurs. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée. Avec Asile 88. Hein, je peux l'annoncer aujourd'hui. Justement, là aussi, il y a des problèmes de santé qui sont très importants pour le personnel migrant, puisque là, il y a des lois scélérates qui ont été promulguées, en particulier qu'il faut 3 mois de présence, je crois, maintenant, pour pouvoir bénéficier de soins. Voilà, bonne fin de soirée à toutes et à tous, et à mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.